Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction aujourd'hui. Louis Althusser, l'énigme du philosophe meurtrier, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Clara Serre et Zoé Gabillet, réalisée par Benjamin Habitant. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons une histoire tragique. Celle de Louis Althusser, philosophe marxiste, qui a dominé la philosophie universitaire des années 60 et 70, mais qui, le 16 novembre 1980, au cours d'une crise de démence, a étranglé sa femme, Hélène Rittmann. Louis Althusser écrit dans ses mémoires « Je me souviens de mon interminable question, mais comment se peut-il que j'ai tué Hélène ?» Un caïman. À l'école normale supérieure, c'est le nom qu'on donne aux professeurs qui préparent les élèves au concours de l'agrégation. Louis Althusser devient l'un des artisans de la révolution intellectuelle qui a lieu en France dans les années 60. Il devient un pionnier du structuralisme, comme on disait à l'époque, et de la psychanalyse. Surtout, il est un philosophe marxiste, sans doute même le philosophe marxiste. Faire de la philosophie en politique, faire de la politique en philosophie, ce sont les deux obsessions de Louis Althusser, qui doit en outre lutter contre la maladie mentale qui lui fait faire très régulièrement des séjours en institution psychiatrique. Althusser, philosophe, Althusser, politique, Althusser, psychotique, tour à tour, se côtoient, s'affrontent et fusionnent, même s'il essaie sa vie durant de les compartimenter dans les cercles clos et protecteurs de l'école, du parti et de l'hôpital, s'affrontent et fusionnent toutes ses forces contradictoires. Ce système vole en éclats un jour de 1980 donc. Au cours d'une crise maniaque, il étrangle sa femme dans leur appartement de l'école normale supérieure. Discrédité, bien sûr, par le meurtre, isolé intellectuellement, Louis Althusser disparaît du paysage politique français en même temps que l'utopie communiste. Ce n'est qu'après la mort de son auteur, en 1990, que les idées d'Althusser trouvent une vie nouvelle. Pour nous aider à comprendre un peu mieux la vie de ce Louis Althusser, nous recevons dans la deuxième partie André Comte Sponville, philosophe et auteur de L'Inconsolable et autres impromptus, édité aux presses universitaires de France ce mois-ci, un livre dans lequel il dédie un chapitre intitulé « L'autre maître » à Louis Althusser. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Louis Althusser, l'énigme du philosophe meurtrier. De Clara Saer et Zoé Gabillet. Un soir de janvier 1946, je me revois encore traverser aux côtés de mon ami Le Sèvre qui parlait pour deux le pont enneigé de la Concorde. C'est alors qu'il me dit. Tu verras aussi Hélène. Elle est un peu folle, mais elle est tout à fait extraordinaire par son intelligence politique et la générosité de son cœur. Un peu folle. Que pouvait-il bien vouloir dire après de pareils éloges? Elle était là, nous attendant dans la neige. Une femme toute petite, emmitouflée, dans une sorte de manteau. Mon premier mouvement, tout d'instinct, fut de lui prendre le bras pour la soutenir et l'aider à gravir la pente. Mais ce fut aussi, sans que j'aie jamais su pourquoi, ou plutôt, je ne le sais que trop, un appel d'amour impossible au doublé de mon goût pour le pathos et l'exagération des gestes, de glisser aussitôt sous son bras ma main vers la sienne et de prendre sa main froide dans la chaleur de la mienne. Le silence se fit. Nous montions. Dès ce moment, je fus saisi d'un désir et d'une oblation exaltant. La sauver, l'aider à vivre. Jamais dans toute notre histoire et jusqu'au bout, je ne me suis départi de cette mission suprême qui ne cessa d'être ma raison d'être à l'ultime moment. Alors, comment ça va aujourd'hui, vos maux de tête ? Ça s'améliore. Le philosophe Louis Althusser est en consultation à l'hôpital Sainte-Anne avec son psychiatre. Il n'est plus interné, mais l'objet d'un suivi obligatoire et régulier. Je ne sais pas si c'est à mettre sur le compte du traitement, mais En ce moment, je perds tout. Mes lunettes, mes crayons, mes clés, mon carnet d'adresses. C'est intéressant. Et arrivez-vous à travailler malgré cela? Oui, à peu près. Comment avance votre projet d'autobiographie? Je fais comme je peux. C'est-à-dire? L'exercice veut que l'on s'impose un devoir de sincérité. Et cela vous coûte? Disons qu'il y a des périodes de ma vie plus noires que d'autres. Vous pensez à votre femme? Pas forcément. Quand j'écris sur elle, de très bons souvenirs me reviennent. Je ne pourrai jamais oublier la première fois que je l'ai rencontrée dans ce Paris enneigé. Et dire que je me sentais insensible aux autres, incapable d'aimer. Hélène a fait de moi l'homme et le philosophe que je suis. Elle m'a, comme on dit, déniaisé. Car si je ne savais rien du sexe, il en était de même de la politique. Marx, Lénine, elle m'a tout appris. Vous diriez donc qu'Hélène a été une grande influence dans votre vie? Indéniablement. Elle m'a ouvert à la vie. Vous imaginez ce qu'une personnalité comme la sienne pouvait représenter pour un jeune homme comme moi? Dites-moi en plus. Elle était forte et courageuse quand je n'étais qu'un petit cubéni de Scribouillard. Et pendant que j'étais enfermé dans mon lycée de province à Lyon, elle était à la tête d'un réseau de résistants. Hélène a été une femme exemplaire. On a même dit qu'elle avait descendu des Allemands et des collabos. Vous imaginez? Hélène, fallait la voir. C'était elle aussi une vraie intellectuelle qui aurait pu faire de grandes choses. Mais sur ce terrain, elle était moins sûre d'elle. Elle était prise dans une névrose d'échec. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'elle pouvait être pénible? Au fond, mon affectation anormale sup, qui aurait dû être la consécration de ma vie, a toujours été un peu gâchée par elle. Comment cela? Eh bien, j'avais peur qu'elle ne s'intègre pas parmi mes collègues et mes amis. Elle pleurnichait, s'accrochait à moi. Elle pouvait être d'une laideur infâme. Elle s'est donc mal intégrée, Rudulme? Au contraire. Tout le monde a vite compris qu'elle était brillante. Mais elle me faisait payer son mal-être et ses doutes existentiels, comme j'ai pu la détester quand elle m'empêchait de jouir de ma reconnaissance en tant que philosophe. Elle m'a étouffé, tout comme ma mère d'ailleurs. Parce que vous considérez Hélène comme une figure maternelle? Ce n'est pas ce que je dis. Mais je constate que ma femme a été aussi importante que ma propre mère dans ma construction. Oui. Mais c'est quand j'écris sur mon enfance que les souvenirs les plus douloureux refont surface. En particulier quand je pense à ma mère. Rien de très original, vous me direz. Pour Freud et Lacan, tout vient d'elle, de la mère. Mais encore? Tout avait mal commencé dès le début entre nous. Entre vous et votre mère? Oui. Prenez mon prénom, Louis. C'était le prénom de l'homme qu'elle aimait, mon oncle. Il est mort dans le ciel de Verdun pendant la Grande Guerre. Il était le frère de mon père, Charles, qui a fini par épouser ma mère et lui donner un fils, moi. Mon prénom est donc celui d'un mort, celui d'un homme qui ne cessa de vivre d'amour dans la tête de ma mère. Dans l'amour de ma mère pour moi, il y a toujours la mort. Et d'ailleurs, quand ma sœur est née, on l'appela Georgette, le prénom de l'amie de ma mère décédée tragiquement, un nouveau prénom de morte. On ne sort pas si facilement du roman familial, me direz-vous. C'est vous qui le dites. D'ailleurs, je crois que toute ma vie, j'ai souffert en silence pour ma mère, pour tous ces morts qu'elle n'a cessé de pleurer. C'est ce que vous ressentez. Ma mère a été la grande figure tragique de ma vie. Je ne pouvais pas me passer de son chagrin, comme une drogue. Au fond, j'ai toujours eu peur qu'elle m'abandonne. Et ce sentiment ne m'a jamais quitté. Même dans ma relation avec Hélène, chacun de ses départs, même les plus anodins, ont toujours réactivé chez moi une angoisse sans fond. Comme si j'avais toujours redouté que les femmes partent et ne reviennent jamais. Mais quand c'est vous qui partiez, cette peur était-elle la même? Bien sûr que non. Dans ce cas-là, j'étais le maître du jeu. Je savais que j'allais revenir. Et à chacun de mes départs, j'étais attendu. Par une femme? Oui, ce n'est pas un secret. Si l'abandon d'une femme vous angoissait autant, vous avez pris beaucoup de risques en les collectionnant? Des risques et du plaisir. Ou du plaisir dans le risque. Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Ma secrétaire va vous escorter jusqu'à votre taxi. Sandrine, veuillez accompagner Monsieur Althusser. À jeudi, docteur. À jeudi. « 28 février 1985. Compte-rendu consultation, patient Louis Althusser. Patient atteint de psychose maniaco-dépressive qui semble s'ajuster à son traitement médicamenteux. Aujourd'hui et contrairement à la semaine dernière, le patient est dans un bon état physique général. Il s'est même remis à travailler. Au cours de cette séance, il a évoqué sa femme et sa mère comme si de rien n'était. » À aucun moment il n'est revenu sur son passage à l'acte, le meurtre de sa femme, qu'il semble avoir totalement occulté aujourd'hui. Je note cependant que le patient se plaint de perdre fréquemment des objets. Serait-ce une manière inconsciente de faire référence à la perte de l'être aimé ? Voici la scène du meurtre telle que je l'ai vécue. La scène du meurtre tel que je l'ai vécu. Soudain, je suis debout en robe de chambre au pied de mon lit dans mon appartement de l'école normale. Un jour gris de novembre, c'était le dimanche 16 vers 9h du matin, vient à gauche de la très haute fenêtre encadrée depuis très longtemps de très vieux rideaux rouges empire lacérés par le temps et brûlés par le soleil, éclairer le pied de mon lit. Devant moi, Hélène couchée sur le dos, elle aussi en robe de chambre. Son bassin repose sur le bord du lit, ses jambes abandonnées sur la moquette du sol. Agenouillé tout près d'elle, penché sur son corps, je suis en train de lui masser le cou. J'appuie mes deux pouces dans le creux de la chair qui borde le haut du sternum et appuyant, je rejoins lentement un pouce vers la droite, un pouce vers la gauche, en biais, la zone plus dure au-dessous des oreilles. Je masse en V. Je ressens une grande fatigue musculaire dans mes avant-bras. Je sais, masser me fait toujours mal aux avant-bras. Le visage d'Hélène est immobile et serein. Ses yeux ouverts fixent le plafond. Et soudain, je suis frappé de terreur. Ses yeux sont interminablement fixes. Et surtout, voici qu'un bref bout de langue repose insolite et paisible entre ses dents et ses lèvres. Le destin était tombé. Louis Althusser vit reclus dans un petit appartement du 20e arrondissement de Paris. Son cercle d'amis est très restreint depuis le meurtre de sa femme. Ses anciens élèves qui lui rendent encore visite se comptent désormais sur les doigts d'une main. En ce jour de mars 1985, Serge Levoisin, un de ses fidèles, passe le voir. J'avais jamais remarqué le nom de Pierre Berger sous la sonnette. C'est l'ancien propriétaire ? C'est le nom de grand-père. Et ça permet d'éloigner les curieux. D'ailleurs, personne ne vous a suivi. Pas de journaliste en planque. Non, vous savez comment ils sont, ils passent vite à autre chose. Sac à merde. Allons au café d'en bas. J'étouffe ici. Comme vous préférez. Mon pauvre voisin, je vous aurais fait monter pour rien. Mais je crois me souvenir que vous êtes très sportif. L'exercice ne vous aura pas trop dérangé. Pas le moins du monde. Allez. Prenez la banquette. Que je sois dos à l'entrée. Les gens qui vous reconnaissent ont cette manie de vous dévisager, les yeux exorbités, comme si vous étiez une espèce en voie de disparition. Oui, j'imagine. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers ? Une grenadine, s'il vous plaît. Et un demi, merci. Tenez, je vous ai apporté des tartes de chez Daloyau. J'aurais dû les laisser chez vous, mais j'y ai pas pensé. Ah, c'est gentil. Daloyau, le carrefour du Luxembourg, un monde englouti pour moi. J'ai justement pensé que cela vous ferait plaisir de retrouver un petit goût de quartier latin et que ça vous changerait des bouquins que j'ai l'habitude de vous apporter. Vous avez raison, ça change. Mais ce n'est pas tout à fait un goût de tarte au citron que m'a laissé la rue Dure. Oui, je m'en doute. Ne soyez pas gêné, le voisin. la grenadine et le demi. Voilà. Vous mettrez des consommations sur mon compte. Merci. Alors, quoi de neuf dans le monde ? Vous lisez encore ce torchon ? Disons que du 20e à la Sorbonne, ça fait une trotte en métro. Alors pour faire passer le temps... Et que pensez-vous de l'article de Claude Sarraute ? Pas grand-chose. Quelle pisseuse ! À croire qu'elle aime les affaires juteuses. Ressortir votre affaire 5 ans après, c'était un peu facile de sa part. Et puis, faire la comparaison avec le cannibale japonais de Saint-Germain-des-Prés, ça en valait peut-être pas la peine. Un cannibale en plus, vous imaginez ? La confusion dans l'esprit des gens. L'étrangleur et le cannibale sont dans le même bateau. Mais quelle stupidité ! Quel vide de la pensée ! Vous avez eu des échos autour de cet article ? C'est délicat et controversé, évidemment. Les avis sont divisés. Les discussions autour du drame et sur votre non-lieu reviennent sur le tapis. Fallait s'y attendre. L'opinion commune considère volontiers que le criminel devrait rester indéfiniment retranché de toute vie sociale. Mis à part, descendre de temps en temps dans ce café et me retrouver face à mes psychiatres. Je ne fais rien d'autre. Mais cela ne leur suffit toujours pas. Il y en aura toujours un pour vouloir parler à ma place. Je vais vous dire, Serge, le destin du non-lieu, c'est la pierre tombale du silence. Je suis condamné à me taire. Le fou est tenu d'emblée pour malade mental, et qui dit malade mental entend malade à vie, et par conséquent, interné à vie. Et sous cette pierre tombale, je suis comme mort. Même libéré depuis 2 ans de l'internement psychiatrique, je suis, pour ceux qui connaissent encore mon nom, un disparu, ni mort, ni vivant, à demi enterré. Mais alors qu'attendez-vous pour vous défendre ? La disparition d'Hélène est derrière vous, vous n'avez plus à vous expliquer. Vous devez continuer à faire ce que vous faites le mieux. Pensez. Pensez ? Mais quel mot fourre-tout ? Pensez à quoi ? À qui ? Comment penser ? Sur quoi penser aujourd'hui ? Eh bien, pensez à tout ce sur quoi vous avez toujours travaillé. Mais pensez quoi ? Plus personne n'étudie lire le Capital. Qu'en est-il du communisme aujourd'hui ? Regardez l'URSS, Gorbatchev. Non mais on croit rêver. On est à 1000 lieues de la pensée marxiste. Alors s'il ne reste rien de Marx, vous pouvez imaginer ce qu'il va rester d'Althusser, des cacahuètes. Et puis, vous ne comprenez pas le voisin. Penser pour un philosophe, c'est entrer en action. Et entrer en action, c'est revenir au centre du jeu. Or, si je dois avoir quelque chose à dire, et plus important encore, si je veux qu'on m'écoute, je dois absolument briser le silence qui entoure le meurtre de ma femme. Eh bien alors, qu'attendez-vous ? Mais croyez-le ou non, j'y travaille déjà. À quoi pensez-vous ? Un droit de réponse ? Une tribune ? Mieux que ça. Une autobiographie. Vous êtes certain ? Oui. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que je dois me confesser sans fard pour pouvoir être entendu. Me priver de procès m'a évité la prison, mais ça m'a également empêché toute explication publique de mon geste, de ma personnalité. Il est temps pour moi de reprendre la parole à travers ma plume. Mais, pardonnez-moi cette question, êtes-vous en mesure d'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là ? Vous me demandez si mon état psychiatrique me permet de me souvenir de tout et de comprendre pourquoi j'ai étranglé Hélène ? Ne soyez pas timide, le voisin. Répondez franchement. Oui. Eh bien, c'est un travail minutieux. J'ai réuni toutes les documentations nécessaires. J'ai demandé à mes proches toutes les coupures de presse internationales sur l'affaire, mais aussi leurs notes sur mon état dans leurs journaux personnels de l'époque ou dans leurs correspondances. Vous menez votre propre enquête, si je comprends bien. Vous avez tout compris. J'ai des amis qui ont consigné le déroulement de mon traitement quand j'étais interne. Ils ont des écrits assez précis sur l'étendue de ma maladie à cette époque. Je pense que tout cela va représenter un matériau solide pour ce livre. Et vous savez quoi ? J'ai déjà une idée de titre. Ah oui ? Brève histoire d'un meurtrier. D'ailleurs, je vais remonter dans mon antre. Merci le voisin pour les gâteaux. Ils seront plus digestes que toute cette presse racoleuse. Vous m'en direz des nouvelles ? C'est Balibar qui m'a conseillé la tarte au citron. À la semaine prochaine ! À la semaine prochaine. Je n'ai pas dormi de la nuit. Serge, l'un de mes anciens élèves, est passé me voir hier. Comme chaque semaine, n'est-ce pas? C'est exact. Il m'a apporté des tartes au citron meringuées. Et la meringue n'est pas passée. Depuis mon opération de l'œsophage, c'est compliqué. Et pourtant, je le sais, mais je me suis goinfré. C'était compulsif, plus fort que moi. Vous avez partagé ces tartes avec Serge? Non. J'ai attendu qu'il parte. Vous étiez content de le voir? Le peu d'élèves qui continuent de venir me voir ont des têtes de pendus, blancs comme des linges. Mais moi, je ne les force pas. Ils sont libres. Ça vous fait plaisir de recevoir des visites? Ouais, enfin, je ne suis pas dupe non plus. Ils sont surtout échauffés par leur célibat et la passion rhétorique. Certains viennent aussi pour leur réflexion personnelle, leur travail. Ils vous estiment. Connerie. D'ailleurs, ma réussite professionnelle est un malentendu. Comment ça? Ma culture philosophique est plutôt réduite. Allons donc. Mais oui, je connais Descartes, Malebranche, un peu Spinoza, pas du tout Aristote, par exemple. Platon? Platon, oui, mais Kant, pas du tout. Hegel? Un peu. Tout de même. Marx, en revanche, je le connais sur le bout des doigts. Oui. Au fond, vous dites que vous ne maîtrisez que ce que vous aimez. Vous savez, je me suis construit une légende sur ma façon d'apprendre. Finalement, mes connaissances philosophiques ne sont faites que de oui-dire. Un philosophe digne de ce nom, ce serait Derrida, mon collègue Caïman. Même certains de mes élèves sont plus cultivés que moi. À ce point? Mais oui, je vous assure. Tenez, mon fameux concept d'appareil idéologique d'État. Je l'ai piqué à l'un d'entre eux. Vous voulez dire que tous les gens qui ont lu avec grand intérêt vos travaux se sont mépris sur vous? Ma vie n'est faite que de rendez-vous ratés. Prenez 68. Ça aurait dû être l'heure de gloire de la pensée que j'ai développée. Pourquoi je n'étais pas aux premières loges des barricades? Tout simplement parce que j'étais interné. Je suis passé totalement à côté. La révolution, je l'ai vécue dans les yeux du malade. Aucun médecin n'était disponible. Ils étaient tous occupés à organiser leurs minables petites AG pendant que je sombrais. En même temps, je ne vais pas leur jeter la pierre. Mes écrits les avaient tous chauffés à blanc. Mais comme dirait Duras, je n'ai rien vu au Quartier Latin. Mon existence est faite d'artifices et d'impostures. Rien d'authentique, donc rien de vrai ni de réel. Ah oui. Et vous allez me dire que vous êtes l'homme qui n'existe pas. Il y a un certain temps, j'aurais pu vous le dire. Le bonheur, finalement, ça n'a jamais été mon truc. Je ne savais pas faire. Et puis, entre deux crises, quand je ne souffrais pas, c'est Hélène qui était murée dans l'angoisse que je replonge. La pauvre, qu'est-ce que je lui ai fait subir? Aujourd'hui, je m'en rends compte. Et d'ailleurs, maintenant, je suis sûr d'une chose qui va vous étonner. J'ai appris ce que c'est qu'aimer. Comment cela? Vous savez, être attentif à l'autre, respecter ses désirs, son rythme, ne rien demander, mais apprendre à recevoir chaque don comme une surprise de la vie. C'est comme ça que vous avez aimé Hélène? Je ne sais pas. Très bien. On va s'arrêter là. Je vous revois mardi à la même heure. Sandrine, vous voulez bien raccompagner Monsieur Althusser? Voulez-vous bien me suivre, Monsieur Althusser? T'as 5 minutes, mon vieux? Bien sûr, entre. Comment t'avances avec lui? Difficile à dire. L'article du Monde sur le meurtre de sa femme, ça ne l'a pas ébranlé? Tu sais ce que c'est, ce genre de patient maîtrise trop bien son sujet pour dire autre chose que ce qu'il a envie de dire. Ou de faire croire. Exactement. Et puis après tout, on dit bien que la philosophie est la science des questions, comme la psychiatrie, non? Pour un problème donné, les réponses sont multiples et la vérité est une notion mouvante. Ça t'embête pas si j'ouvre la fenêtre un moment, histoire d'aérer? Non, non, je t'en prie. En tout cas, c'est pas maintenant qu'on apprendra ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Était-il conscient ou non quand il a étranglé sa femme? S'est-elle débattue ou pas? Tu Tu remets ça avec ta théorie du suicide altruiste. Le meurtre aurait finalement été une aide au suicide de sa femme. Il paraîtrait même qu'Hélène lui aurait fait un chantage en ce sens. Mais bon... Oui. Il l'aurait en quelque sorte suicidé à sa place. De manière inconsciente, j'entends bien. Oui. Tu sais que je n'adhère toujours pas à cette hypothèse. Mais c'est vrai que parfois il en veut à Hélène, comme si elle avait quitté ce monde de son propre chef. Et ces jours-là, il se conduit comme un spectateur du meurtre et non comme son acteur principal. Je l'entends déjà d'ici. Du genre, la salope, elle m'a laissé sur le carreau. Enfin, on peut quand même s'étonner. Il aurait suffi d'une simple gifle pour sortir son mari de sa démence. Tu crois pas ? Peu importe. Ce que moi je cherche à comprendre depuis toutes ces années, c'est comment Althusser interprète son geste. Et alors ? Alors ce type reste une énigme pour nous tous. Et surtout pour lui-même. Althusser m'a rappelé qu'à Normal, les grands agrégés sont surnommés des caïmans. Intéressant. Oui. Et cette image est vraiment pertinente. Elle illustre parfaitement le respect qu'imposent ses professeurs et aussi leur puissance. Le caïman te broie si tu t'en approches de trop près. Et la seule façon de sauver ta peau, c'est de le confronter et de le surpasser. Nul être au monde ne peut répondre à la demande d'angoisse. De retour chez lui, Althusser se remet à écrire. Il couche sur le papier ses sentiments pour Hélène et l'ambivalence de leur relation, balançant toujours entre adoration et répulsion. Donne-moi tout. Nul être au monde ne peut répondre à la demande d'angoisse. Dis-moi quelque chose. Quand ce mot veut simplement dire « donne-moi tout ». Donne-moi d'exister, enfin. Et derrière cet appel pathétique, je savais trop, et Hélène elle-même savait trop ce qui se dissimulait. La terreur fantasmatique d'Hélène de n'être qu'une mauvaise femme, une mère affreuse, une mégère à faire du mal, et mal, et avant tout à qui l'aimait ou voulait l'aimer. Ah, la volonté impuissante d'aimer ne répondait alors que le refus, farouche désir, farouche désir et violent de ne pas s'étonner parce qu'elle ne méritait pas, parce qu'au fond d'elle, elle était montée qu'un affreux petit animal plein de griffes et de sang, d'épines et de pureur. Hélène avait ses travers, mais quand on la connaissait, on découvrait une femme exceptionnelle d'intelligence, d'intuition, de courage et de générosité. Louis Althusser, l'énigme du philosophe meurtrier, de Clara Saher et Zoé Gabillet, avec Jean-Claude Durand, Bernard Bloch, Romain Dutheil, Philippe Lanton et Juliette Allauzin. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Benjamin Habitant. Shine on your crazy diamond. Sensible, la fiction. Intersoir, présenté par Patrice Bertin. Au sommaire ce soir, le crime du philosophe. En pleine crise de dépression, l'écrivain marxiste Louis Althusser étrangle sa femme, puis avoue son crime sans pouvoir l'expliquer. Il est aux mains des psychiatres. Enquête et reportage d'Arlette Chabot, Antoine Sanchez, Philippe Habitboul. C'est moi, je suis coupable, j'ai tué ma femme. Ce sont les seuls mots que les psychiatres de Sainte-Anne ont pu tirer du philosophe Louis Althusser, hospitalisé hier soir après la découverte du cadavre de son épouse dans leur appartement de la rue d'Ulm, Paris. Althusser était alors en état de prostration, capable de dire et de faire n'importe quoi, y compris se suicider, d'où son transfert immédiat à l'hôpital Sainte-Anne. L'autopsie pratiquée en début d'après-midi confirme que sa femme de 70 ans est morte étranglée. J'apprends à l'instant que le parquet de Paris a ouvert une information pour homicide volontaire dans cette affaire et que le juge d'instruction parisien, M. Guy Joly, est en ce moment même à Sainte-Anne où il va tenter d'interroger, si c'est possible, Louis Althusser. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Affaire sensible et la fiction, aujourd'hui Louis Althusser, l'énigme du philosophe meurtrier, notre invité André Comte-Sponville, philosophe et auteur de L'Inconsolable et autres impromptus. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de philosophie, docteur de troisième cycle. Vous vous définissez comme matérialiste à la façon d'Épicure, rationaliste à la façon de Spinoza et humaniste façon Montaigne. Voilà, vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages, traduits en 24 langues, et vous venez de publier au mois de mars de cette année-là, il y a quelques semaines, aux presses universitaires de France, L'Inconsolable et autres impromptus, dans lequel vous consacrez un chapitre à l'un de vos maîtres, justement celui dont on va parler, Louis Althusser. Dans ce chapitre, vous commencez en évoquant les personnes qui vous ont le plus marqué. Alors il y a votre mère, puis vos maîtres, professeurs du lycée, de Cagnes ou encore de la Sorbonne, comme Marcel Conche. Puis au fur et à mesure de la lecture, de l'écriture, pour vous en tout cas, de la lecture pour nous, vous évoquez dans un questionnement, très beau d'ailleurs, le glissement vers un autre maître, un autre philosophe, d'autres références, et vous écrivez. Pourquoi faut-il que mes souvenirs aillent plutôt vers l'autre maître, celui du soir qui tombe, de la pensée qui s'obscurcit, de la vie qui se défait? Pourquoi aller vers le maître de la douleur, de l'angoisse, du désespoir, vers le maître de l'échec et de la folie? Althusser donc. Alors je vous pose la question, pourquoi? Mais écoutez, au départ, c'était une commande du journal Le Figaro pour une série estivale sur le thème « La personne qui les a le plus marqués ». J'avais accepté de faire une contribution, donc je me demande quelle est la personne qui m'a le plus marqué. Si j'avais été absolument honnête, j'aurais dû dire « ma mère ». Pour le meilleur et pour le pire, mais je ne voyais pas en parler dans les journaux parce que c'était trop, ça aurait été trop indiscret. Il y avait trop d'intimité, de souvenirs d'ailleurs trop lourds et souvent trop tristes. Si bien que je me suis rabattu, si j'ose dire, sur l'un de mes maîtres. Et donc là encore, j'hésitais parce que j'ai eu de très très bons maîtres en philosophie, donc Pierre Hervé en terminale, André Pessel en Cagne, à Louis le Grand, Marcel Conche à la Sorbonne, et puis enfin Louis Althusser. Rudulme, à Normale Sup. Et des quatre, j'ai retenu Louis Althusser parce qu'au fond, c'était le plus malheureux des quatre. Pierre Hervé, Marcel Conche, André Pessel étaient plutôt, dans leur façon de faire court, des maîtres de joie, des philosophes très, très toniques, très dynamiques, très, très vivants, souvent drôles. Louis Althusser était un professeur remarquable, mais beaucoup plus grave, je dirais plus grave à tous les sens du terme, y compris avec une dimension pathologique. Et puis je n'ai compris qu'à l'extrême fin de l'article que peut-être il y avait une autre raison que je dois passer, si j'ose dire, de ma mère à Louis Althusser, c'est qu'ils avaient en commun une forme de pathologie, alors pas la même, mais ma mère était dépressive, elle est morte d'un suicide, et puis ils avaient quasiment le même prénom, puisque ma mère s'appelait Louise, et Althusser, bien sûr, s'appelait Louis. Et peut-être qu'inconsciemment, ça a joué un rôle. Et puis, j'aimais les deux douloureusement. Est-ce que c'est un transfert? Oui, en termes psychanalytiques, c'est ce qu'on peut dire. Transfert un peu curieux, puisque intersexuel, hein, d'une mère à un homme. Mais c'est vrai qu'Althusser, avec son extrême douceur, son extrême délicatesse, sa gentillesse, sa fragilité, pouvait avoir quelque chose de féminin. Il n'était en rien efféminé, mais il avait tellement de douceur que peut-être, en effet, si transfert il y a, il était plus dans la logique d'un transfert maternel que d'un transfert paternel. Vous écrivez, cet homme célèbre qui pensait violemment, dont on ne savait pas encore qu'il serait capable de tuer. Ben, c'est à la fois beau et terrible, ça. Oui, bien sûr. C'est vrai que son écriture elle-même était, oui, presque violente, tellement structurée, tellement claire et rigoureuse, mais presque trop. Point nodal numéro 1, point nodal numéro 2, vous voyez. Alors que, quand on le rencontrait, en l'occurrence à l'école, dans son bureau, après je l'ai beaucoup revu chez lui, après le meurtre que vous savez, mais déjà à l'école, il était d'une gentillesse, d'une douceur. Par exemple, la première fois que je suis allé le voir dans son bureau, donc j'avais une vingtaine d'années, il était immensément célèbre. Vous voyez, quand on parle un certain temps, puis je me lève pour partir, et il se lève et il m'aide à enfiler mon manteau. C'est la première fois que quelqu'un m'aidait à enfiler un manteau, parce que on peut aider une vieille personne. Aujourd'hui, ça me choquerait moins, mais j'avais 20 ans. Si vous voulez, lui en avait une soixantaine, vous voyez. Et cette espèce de gentillesse, de délicatesse, presque vieille France, et puis cette espèce de lourdeur fraternel dans le regard. Je crois que je n'ai jamais vu un regard à la fois aussi lourd, aussi pesant, aussi attentif, aussi pénétrant et en quelque chose aussi compatissant. Pas du tout que j'ai été à plaindre, mais parce qu'il y avait une espèce de compassion universelle. Il y avait un côté un peu vieux Bouddha désabusé dans le style de présence de Louis Althusser, avec ce sentiment qu'il donnait dans le privé, au contraire de ce qu'il écrivait, qui était d'apparence plutôt dogmatique. Dans le privé, il donnait le sentiment parfois de ne croire en rien. Et ça, c'était tout à fait étonnant. Alors, le 16 novembre 1980, quand vous apprenez la mort de sa femme, le professeur devient meurtrier, et de sa femme, comment vous réagissez? Mais dans la surprise, d'abord, le chagrin, l'horreur, l'effroi, la compassion. Et je me dis, après coup, que de façon évidemment injuste, mais au fond compréhensible, notre compassion, je dis notre parce que tous ces anciens élèves étaient dans le même cas que moi, notre compassion, bizarrement, allait davantage à l'assassin, au meurtrier, Louis Althusser, qu'à la victime. Alors, c'est évidemment parfaitement injuste et en un sens absurde, mais ça s'explique d'abord parce que Madame Althusser Nous ne la connaissions quasiment pas. Moi, je l'avais croisée quelques fois dans les couloirs de l'école, mais je n'avais jamais parlé. Althusser était notre maître, tendrement aimé, passionnément admiré. Et puis enfin, on savait bien que Louis entrait dans un malheur dont il ne sortirait jamais. Au fond, mourir, c'est la règle, mourir... étranglé, ça n'est pas la règle, mais il faut bien mourir de quelque chose. Et donc, alors que tuer quelqu'un, ça, c'est totalement inouï, surtout quand on est philosophe. Absolument. Et alors, pardon de vous couper, mais justement, puisque vous me dites ça, je voudrais lire quelques mots de l'autobiographie d'Althusser qui s'appelle « L'avenir dure longtemps », n'est-ce pas ? Et voici la scène du meurtre telle que je l'ai vécue. Donc c'est lui qui parle, hein. Soudain, je suis debout, en robe de chambre, au pied de mon lit, dans mon appartement de l'école normale. Un jour gris de novembre, c'était le dimanche 16, vers 9h du matin. Agenouillé, tout près d'elle, penché sur son corps, je suis en train de lui masser le cou. J'appuie mes deux pouces dans le creux de la chair qui borde le haut du sternum et, appuyant, je rejoins lentement un pouce vers la droite, un pouce vers la gauche, en biais, la zone la plus dure au-dessous des oreilles. Je masse en V, je ressens une grande fatigue musculaire dans mes avant-bras. Je sais, masser me fait toujours mal aux avant-bras. Le visage d'Hélène est immobile et serein, ses yeux ouverts fixent le plafond. Et soudain, je suis frappé de terreur, ses yeux sont interminablement fixes et surtout, voici qu'un bref bout de langue repose, insolite et paisible, entre ses dents, entre ses lèvres. Certes, j'ai déjà vu des morts, mais jamais je n'ai vu le visage d'une étranglée. Et pourtant, je sais que c'est une étranglée. Mais comment ? Alors, je me redresse et hurle, j'ai étranglé Hélène. Qu'est-ce que vous pensez de ces mots-là ? Oui, c'est un texte atroce, en vérité. Est-ce que t'étais vraiment passé comme ça ? Non, je n'y étais pas. Vous savez que donc, quand Althusser est allé voir le médecin de l'école, qui habitait à l'école, pour lui dire qu'il avait donc étranglé sa femme, il a été vraiment arrêté et les experts psychiatres ont dit finalement qu'il avait agi en état de démence. Et donc il y avait eu un non-lieu, ce qu'Althusser plus tard appellera la pierre tombale du non-lieu. Parce qu'au fond, il regrettait évidemment d'avoir tué son épouse, mais il regrettait aussi de ne pas avoir été jugé. Parce qu'il avait le sentiment que du coup, ne pouvant pas payer sa faute, le non-lieu pesait sur ses épaules comme une pierre tombale. Mais alors dans cet état de démence... quel souvenir en a-t-il ? Est-ce que ça t'est passé exactement comme ça ? Moi, j'ai un peu du mal à y croire tout à fait. Je ne doute pas de sa sincérité quand il l'écrit, mais c'est un souvenir après coup, par définition. Mais enfin, c'est à la fois glaçant, atroce et en quelque chose bouleversant. Et donc, c'est vrai que nous avions tous, là, pour Althusser, beaucoup de compassion, un peu horrifié, mais de compassion quand même. Et donc, pour ma part, je lui avais écrit une lettre tout de suite, à laquelle il ne répondra pas. D'ailleurs, est-ce qu'il l'a reçue ? Il était à Sainte-Anne. Mais par contre, quelques années plus tard, quand il est sorti de Sainte-Anne, il a retrouvé dans ses papiers une longue lettre que je lui avais écrite quelques mois plus tôt, à laquelle il n'avait pas répondu, mais la relisant, ça l'avait touché, et donc il m'avait écrit à son tour, me demandant de l'appeler au téléphone et proposant qu'on se revoie, ce qu'on a fait ensuite. Et donc là, ça a été la deuxième phase de mes rapports avec Louis Althusser, qui a été une phase vraiment d'amitié intime. Parce qu'au fond, quand j'étais à l'école, bon, on se tutoyait, on avait un rapport amical, mais enfin, c'était mon maître. Oui. Alors qu'après le meurtre de son épouse, et après qu'il eut quitté l'hôpital de Sainte-Anne, on a une espèce d'amitié très, très intime, pour moi très, très émouvante, très triste, parce que pendant toutes ces années, il faut bien dire que Louis Althusser a été l'homme le plus malheureux qu'il m'ait été donné de rencontrer. André Comte-Sponville, je vous poserai dans 3 minutes, après avoir écouté de la musique, une dernière question autour du meurtre, et puis après on parlera de l'œuvre d'Althusser, ce qu'il nous a dit, comment il nous a éclairé et sur quoi. À tout à l'heure. Si tu t'en vas soupçonneront toujours. Si tu t'en vas, si tu t'en vas un jour, tu oublieras. Si tu t'en vas, la source sera toujours grossir les fleurs, les amours noirs vers les beaux jours iront toujours. Si tu t'en vas. Dernière question, comme promis, autour du meurtre de sa femme. En 1985, vous vous souvenez de ce fait divers terrible de cette jeune fille qui avait été tuée par son amant japonais dans l'ouest de Paris. Il y a eu acte de cannibalisme, vous vous souvenez? Oui. Et alors Claude Sarraute écrit un article dans Le Monde à propos de cela. Elle explique que dès qu'un nom prestigieux est mêlé à un procès médiatique, et là elle cite où elle tu sers, on en fait tout un plat. La victime, dit-elle, et la victime, elle ne mérite pas trois lignes, parce que la vedette... c'est le coupable. Alors c'est vrai que pour le cas Althusser, on a peu parlé de sa femme, de la victime. Oui, c'est l'injustice que j'évoquais tout à l'heure. C'était évidemment la victime, ça va de soi. Alors, simplement, ça s'explique en partie d'abord par l'extrême notoriété d'Althusser. Bien on sûr, se rend plus sûr. Compte aujourd'hui à quel point cet homme était célèbre dans le monde entier. Et puis par le fait, au fond, du point de vue de la victime, bon, c'est une victime de meurtre, comme il y en a des centaines tous les ans. Des philosophes célèbres qui tuent leur épouse, qui deviennent assassins ou meurtriers, c'est totalement exceptionnel. Et donc, dans la logique absurde des médias, et il n'est absurde mais compréhensible des médias, il n'était pas tout à fait illogique de parler davantage du meurtrier que de sa victime. C'est triste, c'est injuste, mais ça se comprend. Bien, alors il se trouve que ce meurtrier nous a éclairés, comme tous les philosophes. La pensée d'Althusser, on ne va pas la résumer comme ça, oralement, ça n'aurait pas de sens. Mais qu'est-ce qu'il nous a apporté de précieux? En quoi il nous a éclairé de façon précieuse? Ben, disons d'abord que c'est un philosophe marxiste. Hein. En toute rigueur, c'est un commentateur de Marx. Et ce commentateur de Marx, qu'est-ce qui le caractérisait? Ben, d'abord, l'importance qu'il accordait à ce qu'il appelait la coupure épistémologique, c'est-à-dire le moment où Marx, que d'abord un penseur humaniste de gauche, mais humaniste, rompt avec l'humanisme pour fonder, croyait-il et croyait Althusser, une science. Le marxisme. Et Louis Althusser, pendant l'essentiel de son œuvre, va prendre très au sérieux cette dimension scientifique du marxisme, comme science de l'histoire. Marx était censé avoir découvert un nouveau continent scientifique. C'est un anthropologue, quoi. C'était l'histoire. Marxisme, anthropologie, en fait. Le mot qu'utilisait Althusser, c'était l'histoire. La science de l'histoire, pensée sous le concept de lutte de classe. La lutte de classe, c'est le moteur de l'histoire. Chacun connaît la formule de Karl Marx. Or, là-dessus, maintenant, je pense qu'Althusser se trompait, évidemment, parce que je ne crois pas que le marxisme était une science. Et ça explique que la pensée d'Althusser nous est surtout précieuse parce qu'il s'est enfoncé dans une impasse dont nous savons maintenant, grâce à lui, que c'en était une. Et donc, il y avait la coupure épistémologique, il y avait la volonté de lire le marxisme comme la science de l'histoire, et d'en donner une interprétation structuraliste, comme on disait à l'époque, dans la filiation ou le compagnonnage, si on veut, de Lévi-Strauss, de Lacan, de Michel Foucault. Structuraliste, c'est-à-dire laissant de côté l'individu humain, le sujet, la personne, pour s'intéresser davantage à des phénomènes objectifs, ce qu'Althusser appelait des procès sans sujet ni fin. Autrement dit, ça n'est pas l'homme, l'individu qui fait l'histoire, c'est l'histoire qui nous fait. Alors là, ça m'intéresse en un sens davantage, mais là encore, il faudrait regarder tout ça de plus près. Et pour ma part, je serais amené à nuancer, parce qu'en vérité, les deux propositions sont vraies. Il est vrai que nous faisons l'histoire, y compris en tant qu'individu, avec ce que ça suppose de part de liberté, de responsabilité, d'initiative. Et il est vrai aussi que l'histoire nous fait. Mais donc, vous voyez, Louis Althusser avait une lecture, en l'occurrence, très dogmatique de Marx. Alors, dogmatique, pas au sens politique du terme, mais au sens où il prenait très au sérieux la volonté de scientificité de Marx, à mon avis illusoirement, et il en donnait une interprétation structuraliste, c'est-à-dire qui essayait de se détacher le plus possible des illusions de la subjectivité. Alors, qui étaient ses maîtres et qui sont ses adeptes aujourd'hui? Qui le relais de cette pensée? Son maître, c'était essentiellement évidemment Marx lui-même, oui, Lénine. Mao, parce qu'en plus, il a flirté jusqu'à la fin de sa vie, au fond, avec le maoïsme, là, qui, pour le coup, moi, à l'époque, j'étais membre du Parti communiste, ça me paraissait un flirt tout à fait saugrenu, parce que il va de soi que le maoïsme aboutissait, comme le stalinisme, à des horreurs. Quant à ses élèves, il en avait de très prestigieux, qui sont toujours prestigieux, Pierre Macheret, Étienne Balibar, d'autres, là, dont le nom, en ce moment, m'échappe, mais qui, au fond, n'ont pas donné vraiment une école, puisque finalement, tous après se sont en quelque chose éloignés de l'althusserisme. Ils restent tous très attachés à la personne de Louis Althusser, qui est un maître formidable, un enseignant formidable, mais je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui une école althusserienne. Et donc, c'est un peu une histoire passée et en quelque chose dépassée. Mais encore une fois, nous savons, grâce à Althusser, que ce chemin-là, c'est-à-dire au fond, concevoir la philosophie comme, alors ce qu'il appelait la théorie des pratiques théoriques, c'est-à-dire au fond, concevoir la philosophie marxiste comme étant une épistémologie du marxisme comme science, nous savons désormais, grâce à lui, que c'est une impasse et ça nous dispense de nous y enfoncer une nouvelle fois. Dans la rue, vous allez découvrir, comme tout le monde, une inscription à la peinture. Et vous la citez, cette phrase, « Althusser à quoi ?»« Althusser à rien ». Ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que son enseignement a été dépassé par l'histoire? On a aussi une autre phrase terrible après le meurtre de sa femme, puisqu'il l'a étranglée, on le rappelle. « Althusser trop fort », vous vous souvenez de cela, ouais. Phrase terrible qui aujourd'hui passerait difficilement. Et vous écrivez « Que peut l'humour contre l'horreur ?» Ben, l'humour permet de mettre un petit peu l'horreur à distance, ou je dirais d'ailleurs l'admiration, l'adulation à distance, parce que la première formule que vous évoquez, qui était inscrite au feutre dans la cabine téléphonique de l'école normale supérieure, qui restait pendant des années, autrement dit, Althusser n'a rien fait du temps où il était enseignant à l'école pour la faire retirer. C'était donc Althusser à quoi ? Althusser à rien. Et donc, voilà, ça, c'était une façon de mettre à distance l'espèce d'adulation peut-être exagérée dont cet homme, infiniment talentueux par ailleurs, mais malgré tout qui n'était qu'un commentateur de Marx, encore une fois, était l'objet. Et puis, un jour ou deux après le meurtre de sa femme, sortant de l'école, je vois peint sur un mur du Quartier Latin cette formule atroce, mais formidablement réussi comme jeu de mots, Althusser trop fort. Et c'est vrai que ça nous avait à la fois amusé, malgré l'extrême tristesse qui était la nôtre, parce que voilà, ça met un petit peu, malgré tout, l'horreur à distance. Au fond, c'est ce que montre Freud, c'est que l'humour, c'est un peu une conduite de deuil, finalement. Ça ne supprime pas l'horreur, ça aide un peu à la supporter. On dit beaucoup que l'humour est la politesse du désespoir, et il y a des moments où l'humour est la politesse du chagrin. Très bien, merci. L'humour met l'horreur à distance, je retiens cette formule. Merci infiniment, André Comte-Sponville. Merci à vous. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles de la fiction. Aujourd'hui, Louis Althusser, l'énigme du philosophe meurtrier. Une fiction écrite par Clara Serre et Zoé Gabillet, réalisée par Benjamin Habitant et Anne Niro. Émission proposée par Christophe Barrère, assisté de Valérie Priolet. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Kevin Pelot et Jean-Philippe Jeanne.